Yes, very little, yes. Thank you. C'est la salsa du démon. C'est la salsa du démon. Tu gueules. Belzébuth, je suis cornu, je suis la rute. Oui, je suis bonne. Manananananana. Thank you. Oh, wow. No. Thank you. jumble au lian, exubérant. Les arbres millénaires nous ont adoptés et nous vivions heureux dans la canopée. Jungle sauvage, ouvre ton bras, les vents propos. Marchons, marchons.

How's everybody?